Cabinet du docteur Vignon, bonjour. Bonjour madame, je voudrais changer l'heure de mon rendez-vous avec le docteur Vignon, s'il vous plaît. Oui, vous êtes madame ? Gibert. J'avais rendez-vous mercredi 12 à 16h45, mais j'ai un empêchement. Je ne peux pas venir à cette heure-là. Vous voulez décommander le rendez-vous ? Mais non, je voudrais juste le repousser. Pour quand ? Le même jour, si c'est possible, mais plus tard, à partir de 18h. 19h, ça vous convient ? 19h, c'est parfait. Je vous remercie.